Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, un voyage des caves de la bourgeoisie aux arcanes de la République, au cœur de la ténébreuse affaire Bettencourt. Lorsqu'elle éclate en 2007, elle possède déjà tous les ingrédients pour faire la une de la presse. Son intrigue tient en une phrase. La femme la plus riche de France aurait été abusée par l'un de ses amis à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros. Les chiffres donnent le vertige. S'ensuit une longue, lente et pathétique bataille judiciaire entre une mère et sa fille pour le contrôle de la fortune familiale. L'épisode dure 3 ans et finit par lasser l'opinion. Avant qu'un beau jour du mois de juin 2010, l'affaire Bettencourt ne revienne sur le devant de la scène lorsque le site d'information en ligne Mediapart décide de rendre public des enregistrements clandestins réalisés par le majordome de la milliardaire. Sur ces bandes audio, on découvre les petits arrangements de la sphère politique avec la finance au détriment de la loi, le mépris du bien commun par la fraude fiscale à grande échelle, le conflit d'intérêts, le contournement de la justice et enfin l'achat d'influence par le financement politique. De drame familial, l'affaire Bettencourt bascule alors dans le scandale d'État et fait trembler la République. Car parmi les noms cités dans les enregistrements du majordome, il y a celui d'une députée, celui d'un ministre et celui du chef de l'État à l'époque, Nicolas Sarkozy. Commence alors un incroyable et obscur affrontement judiciaire que notre invité, le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi, suit au jour le jour. Après le récit, il nous proposera son décryptage et nous expliquera les coulisses de ce dossier. Fabrice Arfi revient d'ailleurs sur cette affaire dans son dernier livre, un ouvrage intitulé « Le secret des affaires » paru en 2013 aux éditions Grasset. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Carat avec le soutien des documentalistes de Radio France, attaché de production Emmanuel Fournier, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Sacha Tropp. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. La disparition d'une figure politique de la Normandie, André Bettencourt, est mort hier à l'âge de 88 ans. Il avait été plusieurs fois secrétaire d'État et même ministre. André Bettencourt est décédé. Le mari de Liliane Bettencourt, né à Saint-Maurice-d'Étlan, André Bettencourt était bien connu des Normands pour avoir obtenu également de nombreux mandats dans la région. Neuilly-sur-Seine. Nous sommes au début du mois de décembre 2007. Ici, derrière les murs et les grilles des grandes demeures bourgeoises du quartier Saint-James, se jouent les premières scènes d'un drame familial dont le voisinage se régale déjà. Voilà quelques semaines seulement qu'André Bettencourt, le patriarche, est mort. Depuis, sa famille, l'une des plus riches et les plus respectées du quartier, se déchire. Rue de l'Arboraire, au cœur de Neuilly, les deux villas cossues qui appartiennent au Bettencourt se font face à 100 mètres de distance. D'un côté, celle de Liliane Bettencourt, 85 ans, veuve d'André, fille du fondateur de l'Empire L'Oréal et héritière d'une fortune colossale, estimée à plus de 30 milliards d'euros. De l'autre, celle de sa fille unique, Françoise Bettencourt-Meyers, 54 ans, femme d'affaires et écrivaine. Depuis le décès d'André, mère et fille ne se parlent plus, elles s'évitent même, donnant au vieil adage « l'argent ne fait pas le bonheur » une certaine résonance. Tout a commencé en réalité quelques mois plus tôt, lorsque la comptable de Liliane Bettencourt a alerté la fille de sa patronne de l'abus dont est victime la vieille dame. Il se trouve qu'un photographe, ami de l'octogénaire, utilise son emprise sur elle pour se faire offrir de somptueux cadeaux. On parle ici de toiles de grands maîtres, de manuscrits précieux et autres objets de valeur, de contrats d'assurance vie, de SCI propriétaires de biens dans Paris. Françoise Bettencourt-Meyers tombe des nues lorsqu'elle découvre, chiffre à l'appui, que cet homme, un certain François-Marie Bagnier, a reçu près d'1 milliard d'euros. Oui, 1 milliard d'euros de cadeaux en 15 ans de la part de Liliane Bettencourt. Immédiatement, Françoise porte plainte contre le photographe pour abus de faiblesse. Dans la foulée, le parquet de Nanterre ouvre une enquête. 2 ans plus tard, en septembre 2009, malgré un grand nombre de témoignages accablants et un tissu de preuves et de présomptions conséquents, le procureur de la République estime que les éléments constitutifs de l'abus de faiblesse ne sont pas réunis. Il classe donc la plainte contre François-Marie Bagnier sans suite. Ce procureur, c'est Philippe Courroy. Et comme on va le voir dans la suite de ce récit, sa décision fut au mieux concertée, au pire influencée par certains responsables politiques. Courroy de transmission, en quelque sorte. Mais n'allons pas trop vite. Et restons en 2009. Le 11 décembre, l'affaire arrive malgré tout devant les juges. François-Marie Bagné est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel sur demande directe de Françoise Bettencourt-Meyers. Ce jour-là, les magistrats rendent un tout premier avis sur l'affaire. Un avis en faveur de la fille de l'héritière de L'Oréal, comme l'explique son avocat, maître Olivier Metzner, au micro de France Inter. Le tribunal non seulement souhaite ce procès, mais a demandé à ce qu'une expertise ait lieu, que Mme Bettencourt, comme s'y est engagée, se soumette à cette expertise, et que lorsqu'au mois d'avril prochain, le tribunal évoquera le fond, le tribunal sera en pleine connaissance de l'état de santé de Mme Bettencourt. Cela démontrera que M. Bagné a abusé d'une femme fragile. Et elle, si elle ne se soumet pas à l'expertise, elle ne veut pas. Si elle ne se soumet pas à l'expertise, le tribunal ne pourra qu'en tirer les conséquences. Est-ce que ne pas soumettre une décision de justice, ce n'est pas un état anormal? Est-ce que ce n'est pas la preuve d'un état fragile? Est-ce que ce n'est pas la preuve qu'elle est manipulée par d'autres? En cette fin d'année 2009, le nom Bettencourt quitte l'étape des dîners mondains pour s'installer aux unes de la presse. Avec lui, on découvre l'envers d'un décor à la Maupassant ou à la Zola, avec ses familles très aisées où l'argent est au centre des querelles, des jalousies et des rancœurs. Le monde de cette bourgeoisie où les sommes se comptent parfois en dizaines de millions d'euros. Un monde sordide également, où gravitent de nombreux individus qui tentent de ramasser les moindres miettes d'une richesse qui n'est pas à la leur. Le grand public découvre aussi les noms et les visages des protagonistes. Les Bettencourt, bien sûr, mère et fille. Leurs avocats, Georges Kegeman et Olivier Metzner. Mais l'acteur principal, c'est bien sûr François-Marie Bagné. Écrivain autodidacte, peintre à 16 heures, photographe du tout Paris, il est bien connu des milieux intellectuels et bourgeois. L'homme a côtoyé Dali, Aragon, Yves Saint-Laurent ou encore Pierre Cardin. On le décrit comme un séducteur qui manie volontiers la provocation. Avant de fréquenter l'héritière de L'Oréal, il a entretenu plusieurs relations privilégiées avec d'autres femmes âgées. Parmi elles, l'écrivaine Nathalie Sarraute ou encore la collectionneuse Madeleine de Castaing. À chaque fois, Bagné devenait l'ami intime, le confident, il sortait ses dames, les faisait rire. Mais derrière ses apparences de gentleman, l'homme cache une part beaucoup plus sombre. Comme l'explique le petit-fils de Madeleine de Castaing, Frédéric. Son attitude par rapport à elle me déplaît quand, par exemple, ma grand-mère s'est cassée le col du fémur. Ma grand-mère a été hospitalisée. Je vais voir très souvent ma grand-mère. Et ma grand-mère, chaque fois que je vais la voir, me dit « C'est François-Marie qui m'a poussé parce que j'ai refusé un meuble. » Donc je ne peux pas dire que j'ai vu François-Marie Bagné la pousser et lui casser le col du fémur. Mais je peux dire que chaque fois que j'allais voir ma grand-mère, elle me disait cela. Donc ça me gênait d'une certaine façon, vous le comprendrez. Ma grand-mère, j'allais la voir rue Bonaparte régulièrement dans sa chambre. Elle était entourée d'objets merveilleux. Évidemment, je ne voyais rien, mais à chaque fois, elle me disait, en me montrant le mur, la cheminée, le dessus d'un meuble, François-Marie a encore pris ça, pris ça, pris ça. Je vais même poser la question, mais on fait rien. Non, donc on n'a rien fait. François-Marie Bagné aime l'argent, il aime qu'on lui fasse des cadeaux, il aime qu'on le gâte. Comme en témoigne l'ancienne secrétaire personnelle de Liliane Bettencourt, Christine Jenan, qui explique. Parfois, François-Marie m'appelait avant ses rendez-vous avec madame et il me disait « Assurez-vous qu'elle prenne bien son chéquier avec elle, hein, c'est important. » Alors, je remontais et vérifiais que madame Bettencourt avait bien son carnet dans son sac à main. Témoin, elle aussi, du comportement cavalier du photographe, la comptable de la milliardaire Claire Thiboux. Cette dernière affirme que Bagné l'appelait parfois chez elle, en pleine nuit, oui, en pleine nuit, pour lui réclamer de l'argent. Et la comptable soutient aussi que pendant des années, dans les caisses de la maison Bettencourt, des chèques ont disparu. Des retraits sans importance, sans justificatif, ont été effectués avec les cartes de crédit de la vieille dame. Des objets d'art se sont volatilisés. La comptable finit par avertir Liliane Bettencourt des agissements de François-Marie Bagné. Mais à son grand étonnement, celle-ci ne réagit pas. Quelle est donc cette relation qu'entretiennent la milliardaire et le photographe? Pour la comprendre, il faut s'arrêter un instant sur le parcours de cette femme de 85 ans. Première fortune de France, troisième femme la plus riche du monde en 2008, selon le magazine Forbes, Liliane Bettencourt n'a pourtant rien d'une femme d'affaires. Non. Son argent, elle le doit à son père fondateur de L'Oréal et à l'héritage colossal qu'il lui a légué. Pour le dire simplement, elle est une rentière qui n'a jamais travaillé, dont les gains astronomiques sont estimés à plus de 700 000 euros par jour. Autrement dit, Chaque minute qui s'écoule lui rapporte un peu plus de 500 euros. Alors oui, quand son ami François-Marie Bagné, celui qui lui fait oublier sa solitude, celui qui amène un vent de gaieté, de folie dans sa vie, lui demande, avec un sourire qu'on imagine angélique, de lui prêter 20 000 euros ou de lui offrir un tableau à quelques milliers d'euros, elle dit oui, car ça ne représente rien à l'échelle de ses moyens. Comme l'expliquent les sociologues Monique et Michel Pinson-Charlot dans leur ouvrage « Grande fortune, dynastie familiale et forme de richesse en France », Liliane Bettencourt fait partie de cette caste qui, depuis sa naissance, n'a aucune connexion avec la réalité du pays dans lequel elle vit. Pour elle, l'argent n'a pas de valeur, car il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Aussi, lorsque sa fille tente de s'interposer entre elle et Bagné, lorsqu'elle lui explique qu'il n'est qu'un manipulateur cupide qui ne pense qu'à lui dérober une partie de sa fortune, Liliane Bettencourt ne voit dans l'autophotographe qu'un compagnon d'amusement. Et lorsqu'on s'en prend à lui, la vieille dame n'hésite pas à le défendre. Comme ici, lors de l'une de ses rares interviews accordées, en l'occurrence, à la journaliste Nathalie Rossignol de France 3. Votre fille s'inquiète pour vous, est-ce que vous le comprenez ? Non, je m'inquiète beaucoup plus pour elle. Elle considère que vous êtes mal entourée, elle pense qu'il y a une machination contre votre famille. Qu'elle s'occupe d'elle-même. Au printemps 2010, la situation de la famille Bettencourt est toujours dans l'impasse. Liliane et sa fille tentent de trouver un terrain d'entente à l'amiable. L'objectif étant d'en finir avec ce contentieux qui nuit à l'image de leur famille. Le deal repose sur la proposition suivante. François-Marie Bagné conserverait la totalité des dons reçus, mais s'engagerait à ne pas en accepter de nouveaux. En échange, Françoise Bettencourt-Meyers retirerait sa plainte et arrêterait les poursuites. Mais malgré le concours de leurs avocats, les négociations échouent. De son côté, la presse commence à se lasser de ce drame familial qui tourne en rond. Quelques manchettes font de temps en temps référence au dossier Bagné-Bettencourt, mais il n'est plus question d'en faire la une. Ce que personne n'imagine alors, à ce moment précis, c'est que dans le plus grand secret, le majordome de l'héritière de L'Oréal, choqué par le désolant spectacle de dépouillement dont est victime sa patronne, collecte depuis de longs mois les preuves de ce racket sur un dictaphone. Des heures d'enregistrement confidentiel qui, une fois rendues publiques par voie de presse, vont remettre l'affaire Bettencourt au centre des projecteurs et faire basculer ce drame familial en un scandale politico-financier majeur. Au point de faire trembler un ministre et un président de la République en exercice. Your eyes may be whole, but the story I'm told is your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. I don't know why it came such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind, 'cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black as night. Such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black, your heart is as black. Incroyable, abracadabrantesque pour le coup, cette affaire Bettencourt qui a connu aujourd'hui un nouveau rebondissement. La milliardaire de 87 ans, c'est un petit rappel, principal actionnaire de L'Oréal, les femmes la plus riche de France, a depuis plusieurs années accordé de substantielles largesses financières à l'artiste François-Marie Bagnier. Il aurait obtenu ainsi près d'un milliard d'euros de dons. La fille de Liliane Bettencourt, Françoise Meyers Bettencourt, affirme que ce dernier a profité de la fragilité de sa mère qui elle-même s'en défend. Et voilà qu'aujourd'hui, dans une sorte de grand déballage de linge sale, on apprend qu'un majordome de la vieille dame très riche a enregistré sa patronne et transmis ses enregistrements à la fille qui accuse. Le 16 juin 2010, l'affaire Bettencourt fait de nouveau la une de la presse. Mais désormais, on ne parle plus d'un drame familial entre une mère et sa fille, non. Cette fois, il est question d'un scandale qui éclabousse la classe politique. C'est au site d'information en ligne Mediapart et à l'hebdomadaire Le Point que l'on doit à ces révélations. Quelques semaines plus tôt, en effet, un mystérieux informateur leur a remis un CD-ROM sur lequel sont gravées un peu plus de 21 heures d'enregistrement. Des archives clandestines au format brut provenant directement du dictaphone du majordome de Liliane Bettencourt. Pendant plusieurs jours, le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi, procède à une écoute et une analyse minutieuse de ces enregistrements. Il constate que la grande majorité des mots échangés n'a aucun intérêt pour le grand public. Entre deux tintements de porcelaine, on découvre les petites haines recuites de la maison, de la vie des uns et des autres, du confort des domestiques, des vacances, de la famille, bref, les petits tracas des grandes fortunes, dont effectivement on se fiche complètement. Sauf qu'au milieu de tout ce grand déballage, à certains moments, une mystérieuse voix d'homme fait de surprenantes révélations. Cette voix, qui intrigue Fabrice Arfi, c'est celle de Patrice Demestre, le gestionnaire de la fortune de Liliane Bettencourt. Un homme jusqu'ici inconnu du grand public qui, sur les enregistrements, livre des éléments édifiants sur les pratiques financières de la famille Bettencourt, comme en témoigne cet extrait de la bande-son, daté de mars 2010, où Patrice Demestre conseille à sa cliente Liliane Bettencourt de signer quelques chèques de bienfaisance à des responsables politiques bien connus des Français. Valérie Pécresse, elle fait la campagne pour être présidente de Paris. Elle va perdre. Mais il faut que vous la souteniez. Le deuxième, c'est le ministre du budget. Il faut aussi l'aider. Et le troisième, c'est Nicolas Sarkozy. Alors, vous savez, en ce moment, il faut qu'on ait des amis. La députée Valérie Pécresse, le ministre du budget à l'époque, Éric Woerth et le président de la République, Nicolas Sarkozy. Certes, il n'est pas interdit de soutenir financièrement des responsables politiques. La loi l'autorise, mais jusqu'à 7 500 euros par an. Dans le cas de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy, dont la trésorerie, on va le voir, était gérée par un certain monsieur Woerth, les sommes engagées par la milliardaire auraient été bien supérieures aux limites légales. En d'autres termes, le soutien financier serait devenu achat d'influence. Outre le financement trouble de certains responsables politiques, les enregistrements du majordome révèlent aussi la stratégie mise en place par la femme la plus riche de France pour frauder le fisc à une très large échelle. De la bouche du gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt, Patrice Demestre, on apprend ainsi que l'héritière de L'Oréal possède un compte en Suisse non déclaré sur lequel ont été placés 65 millions d'euros. Compte que le conseil financier de Madame propose d'ailleurs de transférer à Singapour pour plus de sécurité, dit-il, et de sérénité. On découvre également que Liliane Bettencourt possède aussi l'île aux Seychelles, un bout de territoire forcément paradisiaque et forcément perdu dans l'océan Indien, entouré de lagons appelés île Daos. Sa valeur, 50 millions d'euros. Et comme pour le compte suisse, le fisc français n'en a jamais eu connaissance. Enfin, dans un tout autre registre, on apprend, grâce aux révélations de Patrice Demestre, que l'Élysée serait intervenue dans une procédure judiciaire, au mieux pour en savoir le résultat avant qu'elle ne soit rendue publique, au pire pour en changer le cours. J'ai eu l'Élysée. Pardon ? Non, son conseiller juridique, que je vois régulièrement pour vous. Et il m'a dit que le procureur Courroy allait annoncer le 3 septembre, normalement, que la demande de votre fille était irrecevable. Donc, cassez l'affaire. Mais il ne faut le dire à personne cette fois-ci. Cette affaire dont parle Patrice de Maistre, c'est la fameuse enquête de 2009 du parquet de Nanterre pour abus de faiblesse contre François-Marie Bagné, celle dont nous vous avons parlé au début de ce récit. Une investigation que le procureur Philippe Courroy aurait classée sans suite à la surprise générale. Alors, bah oui, la question, forcément, le pouvoir exécutif a-t-il influencé le pouvoir judiciaire? Et si oui, pour quelle raison se serait-il mêlé des affaires de la famille Bettencourt? Pour y voir plus clair, il est nécessaire de revenir quelques instants sur le rôle d'Éric Woerth, dont le nom est cité avec insistance dans tout le dossier. En 2007, lors de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, Éric Woerth était une pièce maîtresse de la droite. Il était le trésorier de l'UMP, et à ce titre, chargé de faire rentrer le maximum d'argent dans les caisses de son parti. Pour arriver à cet objectif, le député de l'Oise crée une association dénommée le Premier Cercle, appelée également Club des grands donateurs de Nicolas Sarkozy. Pour l'intégrer, les personnes s'engagent à financer généreusement la campagne du candidat. En échange, Éric Woerth leur promet le privilège de rencontrer le président une fois qu'il aura été élu président. Et lorsqu'on consulte la liste de ses membres du très fermé Premier Cercle, on découvre un nom qui ne nous est pas inconnu, celui d'un certain Patrice de Maistre, le gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt. Et ce n'est pas fini. Au mois de mai 2007, Nicolas Sarkozy remporte la présidentielle. Président, il nomme François Fillon à Matignon et offre à Éric Woerth le ministère du budget qui devient le ministre des impôts. Et comme le confirmera la confrontation de leurs agendas devant les juges, messieurs Woerth et Lemestre se revoient plusieurs occasions. De ces rendez-vous, personne ne connaît les mots et les idées qui sont échangées. Une proximité également confirmée dans certains extraits des enregistrements clandestins réalisés par le majordome de Liliane Bettencourt. Extraits sur lesquels on entend le gestionnaire de fortune de la milliardaire expliquer à sa patronne qu'il a embauché Florence Woerth, la femme du ministre, à son service à la demande de son mari. Un moyen, explique Patrice de Maistre, de se rapprocher de celui qui, à Bercy, rappelons-le, est le ministre du budget. Puis, au mois de janvier 2008, la trajectoire des deux hommes se croise de nouveau, publiquement cette fois. Ce jour-là, Éric Woerth lui remet la Légion d'honneur. S'agit-il ici de simples coïncidences ou au contraire des aspects visibles d'un échange de bons procédés entre un responsable politique et le chargé de gestion de la plus grande fortune de France? Reprises dans la presse, ces informations sur la relation entre les deux hommes fragilisent la crédibilité d'Éric Woerth, alors nouveau ministre du Travail. On parle de conflits d'intérêts, de possibles trafics d'influence. Face à toutes ces accusations, le ministre se dit scandalisé. Je suis outré, totalement. Ça fait 8 ans que je suis trésorier de mon parti. Je pense qu'on n'a vraiment rien à me reprocher. Tout est clair, tout est propre, tout est net. Alors on peut toujours croire à tous les ragots qu'on veut. J'ai jamais touché sur le plan politique le moindre euro qui ne soit pas légal. Donc c'est inacceptable. Et moi je commence vraiment à en avoir assez de cela. Donc je le dis avec une certaine virulence parce que maintenant ça commence à bien faire. Malgré son démenti, les soupçons qui pèsent contre l'ancien trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy se renforcent jour après jour. D'autant que s'agite en toile de fond le spectre d'un financement occulte de la campagne présidentielle de 2007 par Liliane Bettencourt. Alors, est-ce pour la remercier de son très généreux soutien que l'Élysée serait intervenu auprès du procureur Courroy pour que celui-ci classe sans suite l'enquête du parquet contre l'ami de la milliardaire, François-Marie Bagné? Fallait-il remercier, protéger Liliane Bettencourt, l'un des plus grands donateurs? Ce ne sont là que des suppositions, mais elles intéressent la justice. Le 6 juillet 2010, nouveau coup de théâtre. 3 semaines seulement après ses premières révélations, le site d'information en ligne Mediapart publie un nouvel élément à charge sur l'implication du ministre Éric Woerth dans toute cette affaire. Il s'agit cette fois du témoignage de l'ex-comptable de la milliardaire. Cette femme, qui répond au nom de Claire Thibault, a travaillé plusieurs années au service personnel de Liliane Bettencourt. Aujourd'hui, elle raconte le bal des enveloppes papier Kraft bourrées de billets qui passaient sur son bureau. Et elle insiste sur la relation particulière qui lie Patrice de Maistre à Éric Woerth. Des éléments qu'elle confirmera par la suite face à la caméra du magazine Complément d'enquête. Il vient me trouver dans mon bureau à la fondation. Et il me dit, Claire, j'ai besoin de 150 000 euros. Alors je lui demande pourquoi faire. Et il me dit, je dois donner 650 000 euros à M. Vert pour la campagne électorale de M. Sarkozy. Quelques jours plus tard, il m'a dit, ah, c'est quand même bien pratique d'avoir des comptes en Suisse. Et puis donc, j'ai compris qu'il avait complété les 150 000 euros qu'il m'avait demandé. Il cherche la différence en Suisse, c'est ça? Je pense, oui. Avec le témoignage de l'ex-comptable désormais rendu public, c'est la foudre qui s'abat sur l'Élysée. Alors, pour circonscrire l'incendie, Nicolas Sarkozy envoie un message clair à toute la droite. Il faut décrédibiliser le messager et le témoin. Dans plus grand secret, Claude Guéant réunit autour de lui la garde rapprochée du président pour établir les éléments de langage à utiliser contre Mediapart. L'un des participants à cette réunion de la surenchère, le ministre Christian Estrosi, propose de comparer Edwy Plenel, directeur de publication de Mediapart, à Goebbels. Très délicat. L'idée est recalée tout de même. Mais dès le lendemain, les médias véhiculent l'écho de la contre-attaque du camp Sarkozy. Sur France Inter, le président du groupe UMP à l'Assemblée, Jean-François Copé, monte au créneau et parle de climat malsain. À la télévision, Xavier Bertrand accuse Mediapart d'utiliser des méthodes fascistes. Quant à la secrétaire d'État chargée du développement numérique, Nathalie Kosciusko-Morizet, elle dénonce une campagne de calomnie. Les méthodes qu'utilise Mediapart mettent en cause, en fait, la crédibilité de l'ensemble des sites d'information en ligne. Et ça, ça n'est pas acceptable. La presse Internet n'est pas forcément une presse de caniveau. Les méthodes qui sont utilisées par Mediapart mettent en mal la crédibilité de tous. La calomnie n'est pas un modèle économique. Mediapart, ces jours-ci, a fait de la calomnie un modèle économique. Mediapart a essayé de récupérer des abonnés, en calomniant, en créant la sensation à travers des scoops dont on découvre aujourd'hui qu'ils étaient faux. Mediapart accusé comme il le fut lorsqu'il a révélé l'affaire Cahuzac, on connaît la musique. Sur le fond, l'ex-comptable de Liliane Bettencourt aurait-elle livré un faux témoignage, comme le sous-entend Nathalie Kosciusko-Morizet? Non. Interrogée pendant des journées entières par les enquêteurs, Claire Thibault confirme avoir remis de l'argent à M. Lemestre et précise que ce dernier lui avait expliqué qu'il allait le remettre à M. Woerth pour la campagne de M. Sarkozy. Le seul changement qui existe entre sa déclaration publiée par Mediapart et le procès verbal concerne le financement éventuel de la campagne de 1995 d'Edouard Balladur. Sur cet aspect, seulement sur celui-là, Claire Thibault, épuisée par plusieurs heures d'audition, finit par déclarer que les journalistes de Mediapart auraient romancé ses propos. Si elle maintient clairement le reste de ses déclarations, la droite y voit quand même un moyen de la décrédibiliser, elle et Mediapart, et ainsi de sauver les apparences. Le soir même, Claude Guéant déclare d'ailleurs triomphalement à l'AFP « La vérité est rétablie ». Mais de quelle vérité parle-t-on? Dans les mois qui suivent, alors qu'Éric Woerth, acculé par le soupçon, quitte le gouvernement et ses fonctions de trésorier de l'UMP, la presse est la cible d'une série de cambriolages. À deux semaines d'intervalle, d'étranges visiteurs pénètrent en pleine nuit dans les locaux de Mediapart, où la copie intégrale des enregistrements du majordome de Liliane Bettencourt est dérobée. Puis dans ceux de l'hebdomadaire Le Point. Et enfin, c'est l'appartement d'un journaliste du quotidien Le Monde qui est visité et pillé de son matériel informatique. Selon les policiers, à chaque fois, il n'y a aucun indice, aucune empreinte. Il s'agit d'un travail ciblé réalisé par des professionnels. Oui, il est quand même saisissant de constater que tous ces cambriolages visent à chaque fois des journalistes travaillant sur le dossier Bettencourt. À la fin de l'année 2010, pour dépayser le dossier et éviter les pressions politiques, on charge le juge Jean-Michel Gentil de mener l'instruction. Désormais, les auditions auront lieu au tribunal de Bordeaux. Dans les semaines qui suivent, le magistrat entame une série de perquisitions au siège de l'UMP, au bureau et au domicile de Nicolas Sarkozy et prononce une série de mises en examen, dont celle de Patrice Devestre. Pour abus de faiblesse et complicité d'abus de confiance, escroquerie aggravée, blanchiment, abus de biens sociaux et trafic d'influence actif. Éric Woerth, lui aussi, est mis en examen pour trafic d'influence. Le juge Gentil auditionne le procureur Philippe Courroy, celui qu'on soupçonne de faire les yeux doux à l'Élysée. Puis, le 22 novembre 2012, il convoque Nicolas Sarkozy, qui n'est plus président, qui ne bénéficie donc plus de l'immunité que lui confère son ancienne fonction. Le juge Gentil soupçonne l'ancien chef de l'État d'avoir rendu visite par deux fois aux époux Bettencourt et d'avoir reçu illégalement des enveloppes de billets pour financer ses frais de campagne en 2007. Interrogé pendant près de 12 heures et confronté à ses anciens agendas, l'ancien président nie et ressort sous le statut de témoin assisté. À sa sortie du palais de justice, il appelle l'un de ses plus proches amis, le député-maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, qui, il est vrai, en connaît un rayon côté des mêlées judiciaires. Ce dernier raconte. Il était soulagé, heureux d'être sorti, fatigué, c'était long, et il m'a dit, tu vois, il faut avoir confiance dans la justice de son pays. On a parlé rapidement, parce que tout le monde, ses amis proches, sa femme s'inquiétaient. Je l'avais eu à Londres hier, avant qu'il ne parte. Bon, il m'a dit, tu sais, je suis vraiment tranquille, j'ai strictement rien à me reprocher, j'y vais vraiment tranquille. Six mois plus tard, au mois de mars 2013, après une nouvelle confrontation avec des membres du personnel de Liliane Bettencourt, Nicolas Sarkozy, cette fois, est mis en examen pour abus de faiblesse sur la personne de Liliane Bettencourt. On pense alors que le juge Gentil possède des éléments pour renvoyer l'ancien président devant un tribunal. Pourtant, à l'automne de la même année, à la surprise générale, Nicolas Sarkozy obtient un non-lieu. Autrement dit, les juges estiment qu'il ne dispose pas juridiquement de charges suffisantes pour le poursuivre et le faire comparaître devant un tribunal. La droite crie alors à l'innocence de l'ancien chef de l'État. Alors, Nicolas Sarkozy est-il innocent dans cette affaire ? Eh bien, comme va nous l'expliquer dans quelques instants le journaliste de Mediapart Fabrice Arfi, notre invité, le non-lieu qu'a obtenu l'ancien chef de l'État ne signifie pas qu'il n'existe pas de charge contre lui dans ce dossier. Back when I was young and dumb, I had a choice. Before me and mama fortune got wed. Between riding in a bus or driving a new Rolls Royce. Yeah, and I decided what I wanted was the bread. Hey. But the problem with having everything you want, is you never really know what you need. Now misfortune is a sport, little debutante, and it's my fault. So I suggest you take my heat. So you met my little girl, misfortune, and you know that I'm a very rich man. I told you to proceed with caution if you wanna take my little girl's hand. See, the money that I have might be good for some. Like a mother, hey. Well, I thank Miss Fortune's father. Said I understand that you're trying to talk me down. Yes, you are. Listen here, you ain't have to bother, 'cause I'm a real strong man. I'm sure I could turn your daughter around. See, what she needs is someone who can take control. Let the girl know her place and how to play her role. Tell her all the money in the world cannot replace her soul. And she need to stop acting like she's 12 years old. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Bettencourt. Notre invité, le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi, bonjour. Bonjour. C'est la troisième fois, je crois, que vous venez à Affaires Sensibles, simplement parce que Mediapart soulève des affaires sensibles. Voilà, donc c'est tout à fait logique. Vous étiez d'ailleurs l'un des premiers à découvrir et à écouter les fameux enregistrements du majordome de Liliane Bettencourt dont on a entendu deux extraits, qui sont absolument saisissants. Alors ça, c'était au début du mois de juin 2010, vous avez été mis en examen, comme d'autres journalistes de Mediapart et du Point, hein, pour violation de la vie privée, on y reviendra plus tard. Alors, je précise que vous revenez en bloc et en détail, pour reprendre une célèbre expression, sur cette affaire dans votre livre intitulé « Le sens des affaires », paru en 2013, et « Rendons à César ce qui appartient à César », c'est chez Calman Lévy. Voilà, cela étant rectifié. Je rappelle quand même les différents épilogues judiciaires de cette affaire Bettencourt, c'est important. Le 28 mai 2015, l'ancien ministre du Travail, Éric Woerth, a été relaxé devant le tribunal correctionnel dans les deux volets qui le concernaient, trafic d'influence et abus de faiblesse. De son côté, l'ancien gestionnaire de fortune de la milliardaire Patrice de Maistre a été condamné, lui, pour abus de faiblesse en première instance à 30 mois de prison, dont 12 avec sursis à 250 000 euros d'amende, ainsi qu'au versement de 12 millions d'euros de dommages et intérêts à Liliane Bettencourt. Il n'a pas fait appel de cette décision après avoir trouvé un accord juridique et financier avec la famille Bettencourt. Enfin, François-Marie Bagné a été condamné en appel le 24 août dernier pour abus de faiblesse sur la milliardaire à 4 ans de prison avec sursis et 375 millions d'euros d'amende, ainsi que la confiscation d'une partie de ses biens immobiliers. Notons enfin, et nous serons complets, qu'une dizaine d'autres personnes, principalement des anciens employés de la milliardaire, ont été également condamnées pour abus de faiblesse. Voilà, Fabrice Arfi, pourquoi les juges ont-ils rendu un non-lieu pour Nicolas Sarkozy en octobre 2013, on l'a dit, mais j'imagine que vous pouvez compléter. Je pose cette question parce que, effectivement, si cette affaire a pris de l'ampleur, c'est parce que le nom de Nicolas Sarkozy s'est retrouvé au milieu. Hein. Il remettait présidence, monsieur. Bien sûr, et le non-lieu qui lui profite, et tant mieux pour lui, est aujourd'hui un élément de langage utilisé par une partie de la droite qui le soutient pour dire « Mais regardez, il y a le précédent par rapport aux affaires actuelles qui gênent l'ancien président de la République. Regardez le précédent Bettencourt, c'est bien la preuve qu'il n'y a rien contre Nicolas Sarkozy et qu'il y a une justice qui, au pire, est manipulée, au mieux, est orientée pour faire tomber l'ancien président pour des raisons politiques ou autres. » Bon. Il faut bien prendre conscience que quand on poursuit quelqu'un devant la justice, on le poursuit pour avoir commis un délit particulier. Le délit qu'on reprochait à Nicolas Sarkozy, comme vous l'avez expliqué, c'est l'abus de faiblesse. C'est-à-dire d'avoir profité à titre personnel de la faiblesse physique et psychologique d'une femme de 85 de Madame Bettencourt, qui, il faut le rappeler, est une victime dans cette affaire. Mmh. Madame Bettencourt est une victime. Elle est coupable de faire un certain nombre de choses, notamment de la fraude fiscale. Mais là, elle est spoliée. Elle est totalement spoliée. C'est un braquage en costard-cravate, en quelque sorte, autour de cette vieille dame. Bon. Les juges, après l'avoir mis sous le statut de témoin assisté, le mettent en examen et estiment qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour soutenir un procès public sur l'abus de faiblesse. Mmh. Alors, moi, je propose simplement de lire ce qu'ont écrit les trois magistrats dans le document définitif qui clôt l'enquête judiciaire, qui s'appelle l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et l'ordonnance de non-lieu. C'est un peu de la barbarie juridique, mais c'est le terme. C'est l'issue du travail du juge d'instruction. Voilà, hein, c'est le document qui clôt l'enquête des juges et qui saisit le tribunal. Voilà, ou pas des personnes mises en examen, dont Nicolas Sarkozy. Donc, premier point, il est écrit, il résulte de l'information c'est l'enquête en termes judiciaires, que la situation de faiblesse apparente de Liliane Bettencourt était parfaitement connue de Nicolas Sarkozy lorsque celui-ci s'est présenté à deux reprises à son domicile les 10 et 24 février 2007. Donc ça, c'est à charge. Ça, premier point. Deuxième point, il faut bien lire le deuxième point. Il existe également des charges suffisantes à l'encontre de Nicolas Sarkozy d'avoir, le 24 février 2007, sollicité un soutien financier illégal d'André et Liliane Bettencourt de nature à entraîner pour eux des conséquences gravement préjudiciables. Troisième point, et c'est celui qui fait le bonheur de M. Sarkozy, en revanche, il n'est pas démontré de lien direct entre ce comportement abusif de Nicolas Sarkozy et l'acte préjudiciable consenti par Liliane Bettencourt de mise à disposition d'espèces. Bon, donc ils nous disent que sur l'abus de faiblesse, nous avons des charges suffisantes concernant un financement illégal qui n'est pas poursuivable pour une raison simple, c'est que les faits sont prescrits. Le financement illégal, à l'époque, juridiquement, il est prescrit. Mmh. Et on ne peut pas démontrer que cet argent qu'on est allé chercher en espèces, d'après les magistrats, peut constituer l'abus de faiblesse. Donc, non-lieu. Et c'est normal. Il n'y a pas de débat. Évidemment qu'il est normal que Nicolas Sarkozy, en droit, ait profité d'un non-lieu. Est-ce que, pour autant, ça vient effacer les faits tels que la justice les a documentés? Non. Sur le plan moral, sur le plan factuel, sur le plan éthique, voilà. La vérité judiciaire n'est pas toujours la vérité, où elle n'est qu'un reflet de la qualification pénale d'une réalité, d'un fait précis. Voilà, donc ça, il ne faut pas Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y a un non-lieu, la personne est coupable, et quand la personne est condamnée, bien sûr, elle est innocente. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il faut parfois regarder avec complexité les affaires, et surtout les affaires financières. Donc voilà quelle est la situation de Nicolas Sarkozy. Au-delà de Nicolas Sarkozy, il y avait un autre personnage qui lui est toujours très proche, y compris d'un point de vue politique, vous l'avez cité, c'est Éric Woerth, donc l'ancien ministre du budget. Bon. C'est bon. Éric Woerth, il faut pas oublier quelle était la situation extravagante telle qu'elle était quand on l'a révélée d'abord dans le Mediapart, puis le journal Le Point, puis toute la presse qui s'est évidemment emparée de cette histoire. On a un homme qui est ministre du budget, hein, et qui est en même temps trésorier du parti présidentiel. Il a été trésorier de la campagne présidentielle du candidat Sarkozy. Sa femme travaille pour une milliardaire qui n'est jamais contrôlée par le fisc, donc par l'administration de Monsieur Woerth. Elle est employée directement par un gestionnaire de fortune qui est, premièrement, l'organisateur de la fraude fiscale de Madame Bettencourt. Deuxièmement, un fraudeur fiscal lui-même. Il a un compte non déclaré à la HSBC de Genève, sur lesquels les services de Monsieur Woerth sont d'une pudeur assez baroque. Tiens donc. Mmh. Et qui, par ailleurs, est un des financiers du parti, dont Monsieur Woerth est également le trésorier. C'est pas tout. Monsieur Patrice Demestre. Patrice Demestre. Il est l'employé de la femme et se fait remettre la Légion d'honneur par le même ministre du budget au titre du trésorier de campagne qu'il a été de Nicolas Sarkozy. Car c'est à ce titre-là qu'il reçoit la Légion d'honneur. Bon. Voilà quelle est la situation factuelle de conflit d'intérêts, au minima. Le conflit d'intérêts, du point de vue judiciaire, s'il se transforme pénalement, on appelle ça le trafic d'influence. Oui. Il y a eu, donc, Éric Woerth est poursuivi et il est jugé. Bon. Dans le jugement, le tribunal de Bordeaux dit, bon, tout va de travers dans cette histoire telle que je le décris, et qui n'est même pas contestée par M. Woerth. C'est tellement pas contesté que c'était à ce point scandaleux que M. Woerth a consenti à démissionner de son poste de trésorier pendant qu'il était ministre du budget, et Florence Woerth a démissionné de son emploi en disant « je n'avais pas mesuré à quel point le conflit d'intérêts était important ». Donc tout ça a été très intégré. Mais le jugement de Bordeaux nous dit « nous relaxons M. Woerth, même si rien ne va droit dans cette histoire, parce que nous n'avons pas la preuve définitive que la remise de la Légion d'honneur de M. Woerth à M. Patrice Demestre est le remerciement de l'embauche du second de la femme du premier. Alors, tant mieux pour Éric Woerth, mais moi j'ai... Bah, c'est aussi l'esprit de la loi. Absolument, mais bon. La loi c'est telle qu'on l'a fait. Et je considère, je conçois très bien qu'on peut ne pas être d'accord avec moi, que la loi est faible en France, en la matière, pour lutter contre le trafic d'influence. D'ailleurs, si on regarde les statistiques judiciaires du nombre de condamnations de trafic d'influence, elles sont toutes petites. Donc, pour terminer, quelle aurait été cette preuve que demande le tribunal? Qu'il y ait, par exemple, une lettre d'Éric Woerth adressée à Patrice Demestre. « Cher Patrice, nous allons te remettre la Légion d'honneur pour te remercier d'avoir embauché ma femme. Bisous, Éric. » Ce document n'existe pas. Ouais. Et donc, je considère, à titre personnel, que nous avons organisé le législateur, l'impuissance législative et légale pour combattre ce type de délit qui est le trafic d'influence. Et les fragments d'enregistrement sur lesquels vous êtes tombé, ceux-là, je ne sais pas si c'est une valeur juridique, mais c'est quand même une sacrée valeur dans l'instruction. Absolument, ils ont été consacrés d'ailleurs par la Cour de cassation, donc la plus haute juridiction pénale française, comme une preuve judiciaire. Et il y a eu tout un débat pour savoir est-ce que cette preuve judiciaire pouvait être une preuve journalistique, hein, comme si on devait séparer les deux. Oui. Et donc, vous l'avez dit, on a été mis en examen avec d'autres journalistes de Mediapart, Edoui Plenel, son fondateur. Pour atteinte à la vie privée, voilà, c'est ça. Un journaliste du Point, Hervé Gattegno, et son ancien directeur, Franz-Olivier Gisberg. On a été jugé, on a été relaxé. Oui. De la même manière, et c'est bien plus important que la situation des journalistes, le majordome, qui s'appelle Pascal Bonnefoy, ça ne s'invente pas, et qui est, de mon point de vue, l'honneur de ce dossier, a lui aussi été relaxé au nom d'un très bel article du Code pénal qui s'appelle l'état de nécessité. C'est-à-dire qu'on a, le tribunal a consenti que, oui, M. Bonnefoy a fait quelque chose de mal, il a enregistré clandestinement mais pour la bonne cause. Alors, un intérêt supérieur. Pourquoi il l'a fait, à votre avis? Parce que c'était vraiment sa conscience qui lui a dicté ça? Rien d'autre? Ah, mais c'est... Le majordome. Et Dieu sait si la police et la justice a cherché pour voir s'il a été manipulé, s'il avait un intérêt personnel à faire tout ça. M. Bonnefoy a fait ça pour une raison très simple. Il l'a dit lui-même. Et on ne peut pas prendre un défaut sa sincérité. En tout cas, personne n'a réussi à le démontrer. Il était témoin tous les jours d'une femme qui l'adorait, ex épouse d'un homme qu'il adorait peut-être encore plus, André Bettencourt, qui était son premier patron, dont on profitait de la faiblesse évidente, psychologique et physique, pour la dépouiller de dizaines, de centaines de millions d'euros. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas fait des cadeaux en pleine conscience à des amis, y compris au dandy scandaleux, entre guillemets, qui était François-Marie Bagnier. C'est très simple. C'est comme, imaginez, vous êtes en voiture et vous voyez à 500 mètres devant vous une vieille femme se faire agresser dans la rue. Et ben, pour lui porter secours, vous accélérez et vous grillez un feu rouge. Voilà. Ben, c'est ce qu'a fait exactement Pascal Bonnefoy. Il a accéléré, il a grillé un feu rouge, c'est pas bien, mais c'était pour porter secours à sa patronne qui était Madame Bettencourt. C'est pour ça que le tribunal a estimé qu'il fallait le relaxer. Bien, alors ces affaires-là, évidemment, elles ont des conséquences, ou non d'ailleurs pour les protagonistes, mais elles ont des conséquences politique, hein. On sait que l'amoncellement des affaires fait le lit de réactions politiques qui sont pas forcément favorables. Ouais. Et on va écouter justement Nicolas Sarkozy qui parle de cette affaire le 6 juillet 2010 avec un ton dont je vous laisse juger la teneur. Le président s'est léché le doigt. Oui, oui. Ça mais doit cacher pour... quelque chose. J'aimerais tellement que le pays... se passionne pour les grands problèmes plutôt que de s'emballer à la première horreur, calomnie, qui n'a que seul but de salir sans aucune espèce de réalité. Quelle époque, quel abaissement. Ça m'a fait très plaisir de vous le dire. Et vous, Fabrice Sarfi, qu'est-ce que ça vous fait de l'entendre ? Ben, je suis d'accord avec lui que le pays doit se passionner pour les grands enjeux, et notamment celui de la lutte contre la corruption. Voilà un homme qui s'en sort bien dans cette affaire, qui est aujourd'hui mis en examen dans deux affaires différentes. L'affaire Paul Bismuth, excusez du peu, il est mis en examen pour corruption et trafic d'influence, qui est mis en examen pour financement illégal dans le cadre de l'affaire Big Malion, et qui aujourd'hui se représente au suffrage des Français. Bon, si on fait un tout petit pas de côté, dans d'autres pays, en Israël, en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, une telle situation ne serait pas possible, quelle que soit l'issue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre en otage une famille politique, la sienne, pour éventuellement se sortir des flammes judiciaires qui vous cernent. Deuxième réaction, Monsieur Sarkozy, ça a été beaucoup dit dans le formidable reportage d'avant, on parle de la calomnie, hein, on aurait calomnié. Je donne juste un élément. Nous ne sommes pas au-dessus des lois, nous les journalistes. Donc si on écrit des bêtises, on nous poursuit. Bien sûr. Bon, on ne nous a jamais poursuivis pour diffamation dans ce dossier. Donc il n'y a même pas eu de condamnation. Mes écrits n'ont jamais été poursuivis dans ce dossier. Donc voilà, tout ça n'est que des éléments de langage et du grand bazar de la communication qui crée des espèces de rideaux de fumée verbaux pour en réalité empêcher ou en tout cas tenter d'empêcher les opinions publiques de regarder les faits tels qu'ils sont. Il y a eu l'intimidation de la part des services, des séries pour vous. C'est une bonne question. Certains l'ont écrit, c'est-à-dire que des journalistes du Canard Enchaîné, des confrères du Point du Canard Enchaîné dans un livre qui s'appelle L'espion du président sur l'ancien patron des services secrets intérieurs, M. Squarcini, et nous-mêmes l'avons raconté que pendant l'affaire Bettencourt, Mediapart et certains de ces journalistes ont fait l'objet d'une curiosité c'est insistante de l'appareil de l'État. Vous l'avez dit, il y a eu mystérieuse épidémie de cambriolage chez les journalistes qui suivaient l'affaire Bettencourt. Bien sûr, l'ordinateur pillé. Gérard Davet, dont l'ordinateur a été volé dans sa cuisine, Hervé Gattegnaud, dont le bureau a été cambriolé, les nôtres avec Fabrice Lhomme, avec qui je travaillais à l'époque à Mediapart sur ce dossier, en l'espace de deux semaines. Il y a eu une phrase qu'on a un peu oubliée de Nicolas Sarkozy, c'était au mois de juillet 2010, pendant plus fort de l'affaire, il rencontre des députés du Nouveau Centre, un parti qui, je ne sais plus s'il existe encore, et il avait dit au sujet de Mediapart, ça va leur retomber sur la tête. Bon, on peut considérer que c'est une phrase comme ça, un peu en l'air, mais moi j'ai beaucoup de respect pour les institutions, hein. que le chef de l'État dit ça va leur retomber sur la tête, je trouve ça légèrement inquiétant. Alors je ne sais pas si on doit faire un lien de cause à effet entre ce qu'on vient de dire avant, les barbouzeries, et la phrase de Nicolas Sarkozy. Je vais vous poser une question à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre, parce que vous êtes journaliste et je le suis aussi, donc je sais que vous n'allez pas répondre, je la pose quand même. Qui vous a remis le CD-ROM avec les... Non, ça, je peux décemment pas répondre. Mais plusieurs sûr, personnes, on passe à l'autre. Plusieurs personnes avaient connaissance et avaient matériellement ces éléments quand nous les avons révélés. Bien. Cette affaire, on le rappelle, est un écho mondial. Le New York Times en parlait comme celle d'un Watergate à la française. Alors, chez nous, des journalistes n'ont pas jamais fait tomber un président. Hein, pas, mais pas c'est pour, même pas le, les pas journalistes qui ont fait tomber Nixon. Hein. Faut pas l'oublier. Woodward et Bernstein ont quand même bien œuvré. Ils ont contribué, mais la démission de Nixon est le résultat d'un processus juridique. Oui. Hein, évidemment, sans le Washington Post, on n'aurait rien su. Donc, honneur, honneur à jamais à Bob Woodward et Carl Bernstein pour leur travail. Mais c'est aussi la force d'une démocratie d'amener à son terme juridique et institutionnel les affaires. Et c'est quand on n'y arrive pas que naît le sentiment vénéneux contre lequel il faut lutter, du tous pourris. C'est pas qu'il y a des affaires. Hein, qui fait penser aux tous pourris. C'est parce que la République n'est pas assez bien carrossée pour y répondre. Un peu comme les crash tests, vous savez, quand on veut mettre des voitures sur le marché, on les lance contre des murs pour voir si la carrosserie, si la carrosserie est solide. Bah, les affaires, c'est pareil. C'est un crash test, mais à l'échelle de la République, pour voir si nos institutions, si notre culture, si les citoyens, tout le monde, nous sommes les premiers concernés. Hein. Nous sommes tous les victimes de la corruption, les victimes invisibles de la corruption. Victimes démocratiques, mais victimes financières aussi. Et bien, voilà, pour moi les affaires, et notamment celle-ci qui est un cas d'école, une leçon de choses incroyable sur un envers d'un monde qui d'ordinaire n'était chroniqué qu'au théâtre, dans les romans, vous avez cité Balzac, Maupassin, on pourrait citer aussi la série Dallas ou Chabrol, grâce à cet objet anormal et extraordinaire en quelque sorte que sont les enregistrements du majordome, on a pu documenter, je crois, pour la première fois cet envers d'un monde que certains, qui sont précisément ceux qui, de la haute finance à la haute politique, s'arrangent au mépris du bien commun, ne voulaient pas que ce soit connu. Et c'est d'ailleurs pour ça que... On entend bien le ton, d'ailleurs. Absolument. Il ne faut pas que ça sache. Il y a une phrase extraordinaire dans cette histoire. Ouais. C'est celle de Jean-François Copé. À l'époque, il est le patron de l'UMP, qui est le parti présidentiel, aujourd'hui les Républicains. Il est en meeting, je crois que c'est à Lyon, la ville où je suis né. Et il dit, au sujet de l'affaire Bettencourt, c'est terrible, il y a un parfum malsain de nuit du 4 août. À cause de cette histoire. La nuit du 4 août, abolition faut le rappeler. Des privilèges. Voilà, c'est l'abolition des privilèges. C'est l'un des moments les plus émouvants de notre vie publique. Justement, on va écouter une archive qui nous renvoie à ça. C'est l'ex-comptable de Liane Bettencourt. On en a parlé, Claire Thiboult. Elle raconte comment la famille Bettencourt jouissait de certains privilèges, notamment au niveau du fisc extrait du magazine Complément d'enquête. Je connaissais bien le contrôleur des impôts de Neuilly, puisqu'on avait... tisser un lien, et effectivement j'étais en retard sur la déclaration puisque je ne l'avais pas faite. J'étais malade, j'ai été le voir, je lui ai dit voilà, j'étais malade. Comme c'était une certaine somme, il m'a dit bon, c'est la première fois, on ne vous mettra pas les 10%. Donc, c'était quelle somme? Oh, c'était dans les 40 millions d'euros environ. Donc la pénalité aurait été de 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, donc c'était une grosse pénalité. Et voilà, ça fait 4 millions d'euros de pertes pour l'État, la collectivité. Ben voilà, c'est un fait, les Bettencourt n'étaient pas contrôlés fiscalement, c'est-à-dire qu'ils échappaient à la curiosité de l'administration qui est censée participer à la richesse des nations. C'est 4 millions d'euros, c'est 4 millions d'euros pour les hôpitaux, pour les crèches, pour les écoles. C'est ça, ces 4 millions d'euros. Et quand ils ne les payent pas et qu'ils sont dus, ce sont les honnêtes gens qui payent pour ceux qui ne payent pas. C'est pas plus compliqué que ça. Donc quand je dis que nous sommes tous les victimes de ce type de pratique, nous le sommes évidemment symboliquement, nous n'avons plus confiance dans le fait démocratique, on a l'impression qu'il y a des justices à deux vitesses, qu'il y en a qui peuvent être jugés dans longtemps, et puis de manière plutôt complaisante. C'est le sentiment qui peut habiter un certain nombre de nos concitoyens, mais aussi nous sommes les victimes, nous payons la facture financière. Ça nous coûte financièrement. Et cela, c'est une tragédie. Et pour reprendre le mot de Nicolas Sarkozy, c'est un grand enjeu. Et moi, j'adorerais entendre quelles sont les propositions de Nicolas Sarkozy pour lutter contre la corruption et la fraude fiscale. Bah écoutez, il est en campagne. Ah bah, c'est pour ça qu'il faut lui poser la question. Il y a quelques mois pour nous le dire. Merci. Merci infiniment. Merci à vous. Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart. Au revoir et probablement à bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Bettencourt, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous reviendrons sur l'assassinat de Sharon Tate.